Et merci Frédéric, merci pour cette magnifique émission sur M6 Solar qui me rappelle autant des jupes culottes. J'étais cool à l'école, mangeais à la cantine, il n'y avait pas de vache folle à la télé. J'étais pas la Dayato dans la rue, c'était les quiseurs de couteau. Les temps changent. Merci Fred. On dit gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. M6 Solar, c'est toute mon adolescence. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est un concert au Zénith. Il était arrivé sur scène avec... c'était pas un bleu de travail, c'était un orange de travail. Oh, et vite, il a enlevé le haut. Bip, bip, bip, bip. J'arrête de raconter parce que... Waouh, M6 Solar, quoi. Frédéric, je m'étais promis de jamais te laisser un message parce que la majorité de ceux qui le font ont soit l'air bête, soit l'air niais, soit sont des enfants. Mais là je craque un Claude M6 Solar. Je rentre en plein dans le cliché de ce qu'on peut lui reprocher quand on voit son public. Je suis très blanc, très fils de bobo, et aujourd'hui je suis prof de saxophone en conservatoire et en MJC, et j'écoute France Inter. Sauf qu'en 2001, j'ai 9 ans, et quand je me prends son album 5e As dans la tronche, ça a été la plus grosse claque musicale dont je me souvienne. Alors, tant pis si j'ai l'air niais sur ta messagerie. Là, c'est l'enfant de 9 ans qui parle. Joe MC prend le microphone et laisse un message sur le répondeur d'une émission super qui s'appelle Blockbuster. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle est tout au long de mon sommeur. Elle était ma drogue, ma dope, ma coke, mon crack, l'huile de mon moteur, Blockbuster. To be or not to be, not to be. Dans deux jours, j'ai ma deuxième dose. Alors sachez-le, je ne retire aucune fierté. Hein. Je ne vais pas aller narguer des antivax ou leur faire des leçons de morale. Finalement, moi, je le fais juste par adhésion très très molle. C'est-à-dire qu'en temps normal, j'aime déjà pas trop aller chez le médecin. Faut se déshabiller, on te pèse. Le médecin, il est forcément dans le jugement. Quand tu vieillis, en plus, il met ses mains là où tu les mets seulement après beaucoup de préliminaires. Bref, j'aime pas ça. Faut vraiment que ça soit un cas de force majeure. Et là, pour cette deuxième dose, je suis plutôt sur une énergie type détartrage dentaire. Mais bon, j'ai pas le choix. Parce que techniquement, sur Paris, désormais, si je veux manger autre chose que des sandwichs triangles, il me faut un pass sanitaire complété. Tous les soirs, l'équipe de l'émission fait « On va boire un verre ?» Ah bah non, c'est vrai, Fred, il peut pas. Je sens bien que je retarde le groupe, hein. Pourquoi tu t'es pas fait vacciner avant, Frédéric? C'est suspect. Même le médecin qui m'a fait ma première dose, elle m'a demandé « Pourquoi vous avez autant attendu ?» J'avais envie de lui dire « Écoutez, madame, ça fait 6 ans que j'ai emménagé dans ma maison. Les étagères que j'ai achetées chez Ikea sont toujours dans leur carton d'emballage. À 43 ans, j'ai toujours pas le permis de conduire. Donc vous pensez bien que niveau procrastination, je suis un maître Shaolin. Faut arrêter de penser que tous les non-vaccinés font forcément de la résistance. Il y en a beaucoup, dont moi, qui ont tout simplement un peu trop de patience. » France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Avant que le crépuscule ne tombe sur les dieux, une légende est née revendiquant sa place parmi eux. Et même si Kratos s'est emparé du trône en tant que nouveau dieu de la guerre, il est hanté par les visions de sa famille. Une famille qu'il a lui-même assassinée. Mais la mort n'a pas eu raison de lui. Les sœurs du destin n'ont pas pu le contrôler. Et aujourd'hui, l'homme, la légende, Kratos aura sa revanche. Nous sommes en 2005. J'ai 27 ans, entre deux rêves de succès théâtraux contrebalancés par un job où je sers des pizzas à des clients peu soucieux de leur IMC, je découvre un jeu sur ma PlayStation 2, God of War. Dans ce jeu, où l'on affronte tout un bestiaire de la mythologie grecque, comme ça t'as l'impression de lire Homère tout en jouant à Street of Rage, on incarne Kratos, un spartiate chauve et musclé, avec un bouc, à la peau totalement blanche et au tatouage rouge sang, armé de deux lames qu'il agite au bout d'une chaîne avec la dextérité d'une gymnaste de GRS sous produit dopant. Je tombe immédiatement amoureux, comme des millions de joueurs et de joueuses, de ce personnage en quête de vengeance contre les dieux. 16 ans et 4 épisodes plus tard, Kratos est devenu une figure incontournable du monde du jeu vidéo. Et pour revenir sur mon enragé préféré, j'ai avec moi Justine Boulanger. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre de Women in Game, une association qui lutte pour plus de diversité et de mixité dans le jeu vidéo. Et vous êtes intervenante à l'école XP School Paris, comme professeur entre autres de narrative design et histoire et sociologie du jeu vidéo. C'est exact. Avec nous pour la première fois, Mohamed Aiguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sur la chaîne YouTube du média Jeux Vidéo Magazine. Exactement, et très content d'être là. Ravi. Il est évidemment là, on parle de jeux vidéo, il pointe le bout de son nez. Olivier Bénis, bonjour. Bonjour, ou comme on dit à Sparte, bagarre. Bagarre. Les auditeurs de l'antenne vous connaissent bien parce que vous êtes journaliste à la rédaction de France Inter et vous tenez aussi une chronique délicieuse tous les mardis de l'année dans le 5-7 qui s'appelle La faute aux jeux vidéo. Exactement, ça reprend dans deux semaines. Ensemble, on va revenir sur l'historique de God of War, son histoire, ses mécaniques de jeu, sa singularité et surtout on va vous expliquer pourquoi le personnage de Kratos est si fascinant au regard des canons de l'héroïsme. God of War, c'est parti. Kratos, le voyage qui vous attend est dangereux. Mais vous devez le mener à bien si vous voulez parvenir à sauver Athènes. L'oracle a mentionné la boîte de Pandore. Existe-t-elle ? La boîte existe. C'est l'arme la plus puissante qu'un mortel puisse utiliser. Et avec une telle arme, je pourrais vaincre Arès. Avec la boîte, les possibilités sont immenses. Elle est donc bien cachée. Très loin dans le désert des âmes perdues. Il existe un passage sûr dans les sables mortels, mais seuls ceux qui entendent et suivent le chant des sirènes le trouveront. Vous devez suivre les sirènes, Kratos. Elles seules pourront vous guider à Kronos, le titan. Un titan en vie ? Kronos est le dernier. Zeus lui a ordonné d'errer dans le désert, éternellement, le temple de Pandore enchaîné sur le dos, jusqu'à ce que les sables tourbillonnants arrachent toute la chair de ses os. Suivez bien le chant des sirènes, Kratos. Votre voyage commence ici. Priez pour qu'il vous ramène à Athènes, avec la boîte de Pandore. C'est beau, j'ai de nouveau 27 ans et des cheveux. On vient d'entendre Kratos doublé en français par Eric Peter et Athéna doublé par Laurence Crouzet. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas God of War, qu'est-ce que c'est, Olivier Bénis ? C'est l'histoire d'une vengeance, mais pas une petite vengeance. Hein. C'est-à-dire qu'à côté de la vengeance de Kratos, celle de The Bride dans Kill Bill, c'est rien du tout. C'est de la gnognotte. C'est donc Kratos qui est un spartiate, un guerrier spartiate, qui a été plus ou moins trahi par les dieux, en fait, au fur et à mesure, après différents épisodes. Il a d'abord commencé par servir Arès, le dieu de la guerre du titre, God of War, qui l'a trompé, qui l'a obligé en fait à tuer sans s'en rendre compte sa femme et sa fille. Et depuis, il erre hanté par des cauchemars que les dieux promettent de lui retirer s'il les sert suffisamment, sauf qu'évidemment il va être trahi et que lui-même va se lancer dans une énorme quête pour éliminer jusqu'au dernier des dieux de l'Olympe. Il faut préciser que le personnage est tout blanc. Exactement. Parce que c'est les cendres de sa famille qui se sont collées à sa peau pour marquer l'infamie. C'est qui porte vraiment physiquement toute l'infamie, toute sa faute et sa faute qui n'arrivera quasiment jamais à expier dans les jeux. Et plus concrètement, pour parler du jeu vidéo lui-même, c'est donc ce qu'on appelle un beat them all. C'est-à-dire que c'est un jeu où on tabasse, où on frappe de nombreux ennemis, des vagues d'ennemis en fait, de plus en plus difficiles à vaincre, mais avec soi-même de plus en plus de pouvoir et de plus en plus d'aptitude pour les battre. Donc voilà, il y a ce fil directeur scénaristique, et puis ça sert de vraiment de support de luxe, hein, parce que c'est vraiment toute une mythologie, c'est la mythologie grecque qui est réinterprétée, mais vraiment il y a une histoire qui est sur le long cours fascinante à suivre, en plus donc d'un jeu qui peut paraître un peu bourrin, mais qui finalement est très subtil dans ses mécaniques au final. Et justement, vous avez parlé de beat 'em all, et en fait c'est un genre qui a fait les heures de gloire des bornes d'arcade, et quels sont les jeux les plus représentatifs du genre pour que les auditeurs qui connaissent peut-être pas God of War se disent « Ah ok, je vois le genre maintenant ». Alors si on repart très très loin dans le passé, on va avoir Double Dragon, Streets of Rage, Golden Axe, tous ces jeux-là. Un peu plus récemment, on a donc God of War, on a les Devil May Cry, on a Bayonetta, tous ces jeux-là qui vont un petit peu dépoussiérer le genre. Et puis on a un retour retour, enfin on a une sorte de retour en grâce un petit peu de ce type de jeu récemment, mais vraiment à l'ancienne, puisqu'il y a eu un Streets of Rage 4 qui était donc la suite de jeux sortis sur Mega Drive dans les années 90. Et par les Français d'Odemu. Exactement, et très bien fait, puisque c'est pour moi le meilleur épisode de la série et un des meilleurs beat'em all jamais fait. Mais voilà, ça revient un petit peu en grâce justement sur ce côté très simpliste en tout cas en apparence, de avancer, se battre contre des vagues d'ennemis de manière de plus en plus compliquée. Alors, on en parle avec beaucoup de passion. Et là, les auditeurs peuvent se dire, mais attendez, si c'est un jeu où on ne fait que se bastonner tout du long, comment on peut y trouver un intérêt? Et en fait, c'est bien là que God of War tire son épingle du jeu, Justine Boulanger. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'on suit les aventures de Kratos, qui est ce qu'on pourrait considérer comme un anti-héros à part entière, finalement. C'est un personnage qui transpire la virilité, la testostérone. Ah oui, on est vraiment dans tous les clichés du genre. On est dans les clichés du genre. Mais... il est méga musclé. Contrairement, navré de dire ça, vraiment, pardon, mais contrairement à beaucoup de grands héros, il est chauve. il est franchement pas beau de tête. Il a des cicatrices partout, de plus en plus. Plus vous en parlez, et plus tout d'un coup, je réalise pourquoi j'aime ce personnage. Il manque plus que la barbe. Voilà. J'ai le masque. Ah, c'est vrai. Mais voilà, on a vraiment le cliché du personnage auquel on ne souhaiterait pas s'attacher. Il est violent, vraiment archi-violent. D'ailleurs, la saga est réputée pour ça, pour les violences des combats, la violence des sessions de QTE, de Quick Time Event. C'est des petits événements contextuels dans lesquels il faut appuyer sur certaines touches à un moment précis. Pour assainir un coup, voilà. Exactement. Et c'est souvent au moment de ce que j'appelle joliment les fatalités. Comme dans Mortal Kombat, c'est-à-dire qu'on a complètement battu l'adversaire. Il y a un petit rond qui invite à appuyer sur le bouton rond de la manette PlayStation qui permet de l'achever, et en général c'est assez cru. Oui, c'est spectaculaire, c'est sanguinolent, c'est vraiment d'une violence inouïe. Et donc effectivement, la question se pose, comment est-ce qu'on arrive à s'attacher à Kratos? Parce qu'en fait, c'est un personnage qui, dès le début, est torturé. Il a sa vie et sa longue vie, puisqu'il devient dieu au fur et à mesure de ses aventures, est ponctué de scènes d'horreur, de trahison, de surtrahison, de perte. Il commence dans ce monde, en fait, il ne connaît pas son père, qui s'avérera ensuite, pardon du spoiler, être heureux de... Attention, vous avez rien dit. Laissez le temps aux gens de partir. Allez-y, dites-le. En fait, son père est Zeus. Maintenant, il peut revenir. Et donc, il ne sait pas qui est son père, c'est un demi-dieu, sa mère est pourchassée et bannie, elle est obligée de s'enfuir. Il se retrouve petit enfant à Sparte, donc élevé comme un guerrier spartiate, ce qui n'est pas une mince affaire pour un enfant. Il a un petit frère, Déimos, qui se fait enlever par les dieux, parce que dans une prophétie, il est dit qu'un homme avec une marque rouge sur le visage tuera un jour Zeus. Et Déimos, son frère, correspond tout à fait à cette description. Donc il est enlevé, en fait, par anticipation, tout simplement par les dieux, pour protéger Zeus. Alors il faut préciser que là on pourrait imaginer que c'est vraiment le type de folklore typique au jeu, un prétexte pour justement avoir des adversaires à combattre. Mais ce type de légende avec les prophéties sur le fils qui va vaincre le père, c'est quelque chose dont la mythologie grecque est truffée. Et il y a effectivement c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Zeus a dévoré la mère d'Athéna, parce que elle était censée justement enfanter un dieu qui l'aurait supplanté. Donc avec le mythe de Cronos, etc., c'est des choses qu'on revoit assez facilement dans la mythologie grecque traditionnelle aussi. Oui, c'est vrai qu'on parlait aussi de la violence, elle est totalement inhérente à la mythologie grecque. Si on regarde les légendes d'Homère, l'Iliade, l'Odyssée, c'est truffé de massacres en tout genre pendant des pages et des pages, donc ça répond à ça. Mais c'est vrai que comme tu disais, ce qui fait le succès de God of War au moment où il sort, c'est vraiment ce côté créer non seulement un scénario, parce que ça, c'est, on va dire, c'est le service minimum pour un jeu, mais vraiment toute une mythologie, des créatures, des choses comme ça. Et il y a, dans God of War, il y a un souffle, en fait. Il y a quelque chose d'épique. Dès les premières secondes de jeu, on se retrouve immédiatement projeté dans, je crois que le tout premier niveau du premier jeu, on se bat contre une hydre à plusieurs têtes. On est sur un bateau, sur un navire qui se fait attaquer par une hydre géante, et il faut déjà remonter de la cale pour arriver au niveau du mât et combattre cette hydre énorme et tout ça dans un délire de mise en scène, parce que c'est surtout ça en fait God of War, c'est une mise en scène qui est largement supérieure à tout ce qui a pu être fait sur la mythologie grecque, même au cinéma. Oui, oui, bien sûr, et puis surtout il y avait, pour parler vraiment un petit peu technique, c'est un des jeux de la PlayStation 2, donc, et là on arrive vraiment sur des développeurs qui se disent on va exploiter à fond ce que peut faire la machine, et donc on va faire des décors, enfin les décors sont magnifiques, tout est, même encore aujourd'hui, hein, de rejouer, il y a des versions remastered qui existent, des choses comme ça, mais même de base, les idées de décors, de créatures, de personnages, le design général du jeu, il y a une patte, il y a un truc qui fait que ça aurait, enfin le jeu aurait presque pu être écrit par, enfin raconté par Homère lui-même, parce que tant ça s'inscrit dans la mythologie grecque et tant ça essaie de créer son propre mythe qui est le mythe de Kratos. On parle d'un homme dont le destin semble être une farce tragique faite par les dieux. Et on le sait, les voix des dieux sont impénétrables, dit-on. God's Plan, c'est justement la chanson de Drake qu'on écoute via la programmation musicale astucieuse de Muriel Pérez. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me. Turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan. God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Hey. Someone watching this shit close. Yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, road. Hey. Might go down as G-O-D. Yup, wait. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside E. Yeah. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. C'était Drake avec God's Plan dans Blockbuster sur France Inter. Est-ce que c'est le pont dont Freya parlait ? Non, nous sommes toujours sur le pont entre les royaumes. Celui que nous cherchons est le pont des damnés. Les morts l'empruntent pour se rendre dans leur séjour permanent, la cité de Helheim. Le gardien qui en garde l'entrée, c'est lui que tu cherches. Ce Valhalla, est-ce qu'il fait partie d'Helheim ? Ah, non. Le Valhalla fait partie d'Asgard. Il faut être mort dignement pour y aller, comme les guerriers qui tombent au combat. Helheim accueille ceux qui meurent dans le déshonneur. Les criminels ? Oui, et ceux qui meurent de maladie, d'accident, de vieillesse. C'est donc un déshonneur de vieillir ? Eh bien, il n'est jamais trop tard pour mourir au combat, je suppose. « Nous sommes toujours avec la professeure et joueuse Justine Boulanger et les journalistes Mohamed Aiguin et Olivier Bénis pour parler des jeux vidéo God of War. Et vous venez d'entendre un extrait de God of War numéro 4 où, vous l'avez entendu, on change de mythologie. Désormais, c'est la mythologie nordique qui est concernée. Mohamed Aiguin, à quel moment et avec quel épisode vous avez découvert God of War ? Alors j'ai particulièrement découvert God of War avec le 3. Moi j'étais pas de ceux qui avaient découvert les premiers, donc en l'occurrence le 1 et le 2 sortis sur PlayStation 2. Et God of War 3 justement, il m'avait beaucoup impressionné, notamment avec sa scène d'introduction où Kratos va directement sur l'Olympe à dos de géant en fait, de titan. Et on a vraiment des combats qui étaient juste spectaculaires, avec aussi la chute en disgrâce dans les enfers pour revenir, etc. Et le jeu en fait tout du long, il y a une escalade de violence qui est impressionnante, mais il y a aussi un personnage qui, comme on l'a déjà dit en fait, extrêmement marqué par son passé, etc. Il y a un bestiaire qui est impressionnant. En plus, à la base, j'étais pas très beat'em all de base, même si c'est un genre qui a été apprécié par beaucoup de personnes avant. Mais je me disais, bon, sympa, mais à voir. Et j'ai été pris par ça. Et ensuite, on a eu God of War, donc le quatrième, qui s'appelle God of War tout court, qui a débarqué en 2018. Et alors là, on a quand même eu une escalade vraiment de qualité que j'ai trouvé juste impressionnante. Donc Santa Monica, à partir de ce moment-là, s'est dit... C'est le studio de développement. Santa Monica Studio, voilà, qui est le studio de développement, un PlayStation Studio, est revenu sur les bases, a dit, OK, on a fait notre trilogie, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer God of War, le personnage de Kratos, ses univers, etc. Il semblait vraisemblablement que l'histoire de Kratos en Grèce antique était terminée. Sans spoiler, il se passe beaucoup de choses à la fin de God of War 3. Et ensuite, l'idée, c'était de porter Kratos sur un autre univers qui était tout aussi intéressant pour beaucoup d'entre nous, parce que la mythologie nordique, ça parle à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de séries. Oui, il y a beaucoup de versions, beaucoup de Thor, de Loki, etc. Il y a énormément de choses. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils sont partis là-dessus. Cory Barlog, qui travaillait en lead sur God of War 2, qui a été un peu présent sur le 1, revenait. Oui, parce qu'il faut dire que le créateur originel de God of War, c'est David Jaffe. Exactement. Et du coup, Cory Barlog a fait la suite. Surtout qu'en plus, pour l'anecdote, pour God of War 2, c'était parti super loin pour la communication du truc, parce qu'il y avait une sorte de mise en scène extrêmement théâtrale, et c'est Cory Barlog qui avait eu l'idée, où il y avait une espèce de chèvre décapitée, donc du coup la presse était en mode « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Oui, ça a défrayé la chronique. Ça a été très compliqué, mais il revenait pour le 4, et il y a eu une vision qui a été complètement repensée. On quitte l'aspect traditionnel beat'em all pour se concentrer sur quelque chose qui correspond plus peut-être à la réalisation des exclus PlayStation 4, c'est-à-dire des personnages qui sont très proches de la caméra, quelque chose qui est extrêmement cinématique et quelque chose qui va mettre surtout l'accent sur la narration, les personnages. Certes, pour les précédents God of War, on avait Kratos qui était assez mis en avant, les personnages aussi, mais là on a un Kratos plus vieillissant. C'est expliqué aussi la relation qu'il a avec Mimir quand on avait écouté le passage juste avant. Il a un fils maintenant qui s'appelle Atreus, qu'il a eu avec une femme qui, c'est pas un spoil, hein, ça fait partie du truc, meurt dès le début du jeu en fait, et qui donc va devoir élever en fait. Et tout ce voyage initiatique. Oui, c'est un père seul, et il faut dire que Kratos n'a pas les compétences qu'on pourrait imaginer adéquates pour être un bon papa. De prime abord, ouais. Mais du coup, c'est pour ça qu'il lui apprend beaucoup. Et en fait, God of War 4, c'est ça. C'est un voyage initiatique entre un père et son fils pour faire le deuil de la mère, avec plein de révélations, plein de personnages qui vont apparaître au fur et à mesure de leur histoire, mais qui va surtout être lié au passé de Kratos. C'est pas parce que le jeu se désolidarise un peu de ce qui a été fait précédemment que tout ce qu'a fait Kratos dans God of War 1, 2 et 3 n'a pas de conséquences. Oui. Bien au contraire. On est vraiment dans une sorte de mouvance qui rappelle un peu le Impitoyable de Clint Eastwood, où il y a ce cow-boy, voilà, qui essaie de laisser cette vie de violence derrière lui, et qui finalement se trouve rattrapé parce qu'il sait faire de mieux, et ce qu'il sait faire de mieux, c'est de faire du mal à beaucoup de monde. C'est sa nature. Globalement, si on devait résumer la série entière God of War, d'ailleurs, c'est des jeux sur les conséquences. Oui. C'est-à-dire que c'est des jeux sur le fait de se venger, c'est bien beau, le fait de progresser, d'être violent envers tout le monde, de penser que tout se règle uniquement avec ses poings et ses lames et ses chaînes, aura des conséquences. Tout de suite, immédiates, ou beaucoup plus lointaines. Et vraiment, toute la série, c'est ça qui est assez génial, je trouve, sur la narration au fil des différents épisodes. Je pense pas que c'était prévu dès le début, hein, il devait partir sur autre chose au départ, mais vraiment, là, quand on voit le dernier, il y a vraiment cette réflexion sur le fait que tout ce qu'on fait a des conséquences, et plus on fait des choses atroces, et plus les conséquences reviendront un jour de manière brutale. Il faut dire... Oui, en fait, justement, ce que tu étais en train de dire, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est justement, il y a une réplique exacte que dit Kratos à un moment à Atreus dans le dernier, qui est Atreus, tuer un dieu n'est pas sans conséquences. Et c'est assez ironique quand on sait qu'en fait on a passé l'entièreté des opus précédents à ne faire que ça, à tenter de décimer des panthéons, enfin un panthéon grec en l'occurrence entier. Donc c'est un peu l'introspection de Kratos, c'est ok, j'ai appris de mes erreurs, et qu'est-ce que je veux apprendre à mon fils pour qu'il ne devienne pas comme moi. Et d'ailleurs, en tout début d'émission, Olivier faisait allusion au personnage de The Bride dans Kill Bill de Quentin Tarantino, et je trouve qu'on retrouve aussi le même sentiment avec le personnage de Kratos, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, notamment lors de l'épisode 3 de God of War, on en vient à se poser des questions sur le personnage que l'on incarne, et on se dit, mais finalement, est-ce que je ne suis pas le croque-mitaine de ce jeu ? Est-ce que c'est pas moi le méchant ? Et il y a vraiment cette dimension avec Kratos où, en fait, on incarne ce qui fait peur à ceux qui sont censés être les méchants. C'est-à-dire qu'on est... Quand on arrive à la fin du 3, on ne peut que se poser la question de est-ce que c'est pas moi le méchant de l'histoire depuis le tout début du premier épisode ? Parce qu'en fait, au final, certes, les dieux se défendent, les dieux sont tout ce qu'on veut, les dieux sont brutaux, sont violents, n'ont aucune estime pour la vie humaine ni pour la vie en général. Mais est-ce que nous, en face, on n'est pas quelque chose de pire devant lequel les dieux eux-mêmes tremblent ? Non pas parce qu'on est une espèce de justicier qui va réparer les temps, mais parce qu'au contraire, on va faire encore pire que eux. Les jeux gèrent ça, et le troisième épisode le gère de façon très intelligente. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des fatalités, des choses comme ça, du fait d'achever des personnages. Ça dit pas grand chose de nous en tant que joueurs quand on achève un petit peu des personnages, des monstres, des créatures comme ça, mais on finit par achever des personnages éminemment sympathiques en fait au final, oui, ou même des figures très connues, Hercule. Voilà, on finit par se battre et par tuer de façon totalement brutale et atroce des personnages qui sont pas des personnages méchants en fait sur le fond. Et le jeu, je trouve, pose en filigrane pendant tout le truc le côté, est-ce que le méchant c'est pas Kratos, et par extension, est-ce que le méchant n'est pas le joueur en fait ? Est-ce que vous n'êtes pas une espèce d'entité qui lui-même a débarqué dans cet univers et qui va laisser que des cendres derrière lui ? Et en ça, on est vraiment dans ce que j'appelle les codes de la mythologie grecque, parce que c'est quelque chose qui est assez souvent oublié, mais les personnages que l'on appelle les héros de la mythologie grecque ne le sont pas. C'est-à-dire que Hercule, ses 12 travaux, il les fait parce que il a tué sa femme et ses enfants. Achille, ce guerrier troyen, quand il fait sa colère et qu'il traîne Hector derrière son char, c'est pas quelqu'un de c'est le protagoniste principal, mais ça n'est pas quelqu'un d'héroïque dans la dimension morale qu'on peut lui prêter aujourd'hui. Mais c'est lié à l'identité même de héros dans la mythologie de façon globale, parce que c'est des personnages qui sont liés au divin et au terrestre en même temps. C'est des fils de Dieu, mais pas vraiment. Ils ont beaucoup de mal à trouver leur place. Et en fait, toute leur vie est rythmée par de la violence et des passions très fortes. Et du coup, je pense que c'est ce qui ressort le plus avec Kratos, en fait. C'est le fait d'avoir été trahi, mais en même temps aussi de pas savoir vraiment qui il est, quelle est sa place dans tout ça. En fait, c'est un personnage qui se sent constamment floué et qui a vraiment qui en veut à la terre entière et à tout l'Olympe directement pour tout ce qui lui est arrivé, même si il sait pas véritablement si tout ce qui s'est passé, c'est entièrement que de sa faute à lui, ou s'il y a un peu de manipulation du côté des dieux ou autre, etc. Donc c'est pour ça que ça fait un personnage qui est extrêmement intéressant sur ce point. Et d'ailleurs, en fait, on parlait de personnages de la mythologie grecque, mais il faut savoir que en fait, il y a plusieurs types de personnages qui existent dans la littérature et dans le cinéma. Et les personnages qu'on a cités, Hercule, Ulysse, Achille, pour ne citer qu'eux, à la base, c'est des personnages qui sont censés être parfaits. C'est-à-dire que si, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque, lorsque les récits antiques ont été écrits, ce qui nous apparaissent aujourd'hui comme des personnages violents ou cupides ou égoïstes, à l'époque, c'était des figures de perfection. Mmh. Et il faut aussi rappeler que dans la mythologie grecque, c'est pas du tout comme dans la mythologie judéo-chrétienne, les dieux sont des avatars, en fait, qui représentent les pires défauts de l'humanité. Mmh. Donc les dieux dans la mythologie grecque ne sont en aucun cas parfaits, au contraire Zeus il va voir partout, hein. Zeus va courir les jupons de toutes les demoiselles de Grèce et du reste du monde, Héra d'une jalousie excessive, etc. Donc Kratos, en fait, ce qui est très très fort, c'est que on cherche finalement à reprendre cette image de personnage parfait, sauf que à notre époque, Kratos nous apparaît comme totalement inhumain. Toute cette rage et cette colère demandent à être compensées par une petite plage musicale. Une plage où on s'abreuve au bar de la playlist et quand on demande la note, on vous répond « Fa dièse, Ré mineur ». On écoute Vladimir Cauchemar et Benjamin Epps avec « Blizzard ». Cette émission est réalisée par Céline Hila, elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand, Emma Ferret et notre stagiaire Robinson Radonac, ainsi que notre stagiaire réalisation Véronique Meyer. Yeah, tout le monde veut le kit. Yeah. Attention où tu mets les pieds. Je suis arrivé, j'ai goumé le rap game. Je suis parti sans laisser les clés. Enfant illégitime de clé. Babi me disait t'es moche. Oui. Quand j'allais braquer les mecs avec mes négros armés et les mains dans les poches. Tes négros font genre les proches. J'ai plein de renois dans le schnor. On investit dans le sport. Réinvestit dans le store. Regarde tes gens snore. Regarde-moi aller mainstream. Le même âge, pas le même style. M'en bats les couilles de ton NES team. Impossible de stopper le boy. Ils veulent dompter le boy. Que maman a poussé le boy. Élevé au Kinimax. À côté des gens c'est des chicks. Donc ils pourront pas manger mes chips. Renois ils vont se manger des chips. Pas de masque, pas de putain pardon. J'arrive sur vous net. Lavez les mains et les pieds c'est la même. J'arrive sur vous net. Sortez pas de chez vous sinon c'est mort. J'arrive sur vous net. Je glisse dans la foule, direct dans les poumons. Et j'arrive sur vous net. Pas de masque, pas de putain pardon. J'arrive sur vous net. Lavez les mains et les pieds c'est la même. J'arrive sur vous net. Sortez pas de chez vous sinon c'est mort. J'arrive sur vous net. Quelques billets chaque semaine, quelques morts chaque semaine. Renoir, baisse-toi quand tu capes le main. Sinon je shoot ton abdomen. Ta salope veut le tosma. J'roule avec Grossma. Yaskaza ou Nietzouchka. Vladimir Cauchemar. J'suis un de ces putains de variants. Donc j'suis là pour rester. Pas speed, ton pied est lesté. Tu transpires comme sous LSD. Veillez pas si vous payez pas. Essayez pas, vous asseyez pas. J'les mets en réa comme une vieille dame. J'suis monsieur Andrea. Impossible de stopper le boy. Ils veulent dompter le boy. Que maman a poussé le boy. Élevé au Kinimax. À côté des gens c'est des chicks. Donc ils pourront pas manger mes chips. Renoir ils vont se manger des chips. Pas de masque, pas de putain pardon. J'arrive sur vous net. Lavez les mains et les pieds c'est la même. J'arrive sur vous net. Sortez pas de chez vous sinon c'est mort. J'arrive sur vous net. Je glisse dans la foule, direct dans les poumons. Et j'arrive sur vous net. Pas de masque, pas de putain pardon. J'arrive sur vous net. Lavez les mains et les pieds c'est la même. J'arrive sur vous net. Sortez pas de chez vous sinon c'est mort. J'arrive sur vous net. C'était Vladimir Cauchemar et Benjamin Epps avec Blizzard, avec un sample qui vient de Saint Seiya pour ceux qui connaissent. Blockbuster. Je vis dans le tourment par ta faute. Quand tu as pris la boîte de Pandore dans le temple, Zeus était envahi par la peur. Il m'a envoyé au fond du Tartare. Les dieux m'avaient demandé d'exécuter Arès. Frédéric Sigrist. Tu as tué Arès par soif de vengeance. Mais cette fois, l'heure de ma récompense a sonné. Sur France Inter. God of War 4, sobrement intitulé God of War sur PlayStation 4, a été encensé par la critique, mais pourtant, God of War 4, il y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. La nuit, Al-Qadar écrit... Quelle idée de balancer l'univers mythologique de la Grèce antique pour le froid scandinave. Le gameplay a 10 ans de retard, c'est répétitif, ça se résume à escalader et taper en boucle sans réfléchir. Le jeu devrait être vendu avec la manette appropriée, celle qui ne possède qu'un seul bouton. Net. Ce jeu n'a de God of War que le nom, le côté grandiose a disparu. Il faut améliorer son armure, ramasser des objets, de l'argent. Et depuis quand un dieu a besoin d'argent? Kratos est ramolli, son fils c'est une tête à claque. Leur relation est grossière et caricaturale, les décors quant à eux sont fades, l'histoire inutile et les personnages agaçants. Toutes ces années pour ça, ce jeu est destiné à un nouveau public et pas aux anciens joueurs de la série God of War. Par King Kill 33. Un mauvais moment à passer. Alors je vous pose la question à tous les trois, c'est vrai que dans un beat'em all, le but c'est d'avancer, de taper, effectivement. Et donc, est-ce que le gameplay de God of War est aussi simple qu'il n'y paraît? Est-ce qu'on peut jouer brillamment à God of War en n'appuyant que sur un bouton? Non. Non. Merci. Voilà. Merci. Non. Bonne journée. Un peu plus non, complexe. Non. Non, c'est même, enfin, ça fait partie de ces jeux faciles à jouer, difficiles à maîtriser, quoi. Donc, c'est des jeux où vraiment, quand on arrive sur les derniers instants de God of War 1, 2 ou 3, ça devient très très compliqué. Il y a des moments où on se fait vraiment des crampes aux doigts. Après, c'est vrai que c'est censé toujours, c'est des super productions, donc c'est censé plaire à un public quand même suffisamment large, mais c'est vrai que c'est des jeux qui sont quand même restés des jeux un petit peu de niche. Je pense pas que le joueur lambda en débarquant peut finir l'intégralité des God of War, y compris le dernier qui est assez retors aussi. Après, chacun joue un petit peu comme il veut. Moi, c'est vrai que je joue un petit peu avec deux boutons, je reconnais. Donc, peut-être que je galère plus que les gens qui maîtrisent plus certains combos ou des choses comme ça. Et surtout, je me suis rappelé, en rejouant un petit peu aux trois premiers épisodes pour l'émission, je me souvenais plus qu'il y avait... C'est bien de se dévouer, quand même. Je me souviens plus qu'il y avait... C'est bien, Olivier Bénis. Je salue votre professionnalisme. je me souvenais pas qu'il y avait autant d'énigmes, en fait. Il y a énormément de passages, y compris des batailles contre des boss ou des choses comme ça, où si vous n'avez pas compris, une certaine logique, faut vraiment faire preuve d'astuce et de ruse à certains moments pour battre certains boss, parce que sinon c'est totalement impossible. Et voilà, donc j'ai utilisé plus mon cerveau que je ne le pensais en rejouant à ces jeux. Justine Boulanger ? Non, alors moi je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été énoncé un peu plus tôt. Je pense que peut-être les personnes qui n'aiment pas God of War, qui n'aiment pas, on va dire, les versions précédentes, c'est parce qu'ils n'aiment pas de toute façon les beat'em all. Et ceux qui aiment les beat'em all et qui n'aiment pas le dernier, c'est parce qu'il a une tendance plus RPG, donc jeu de rôle, que beat'em all. Ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Après, de dire qu'il faut qu'un ou deux boutons, non, c'est faux. Il y a un nombre de combos infinis à maîtriser. Franchement, je mets au défi qui que ce soit qui dit qu'un God of War est facile de le finir justement en mode, ce qu'on appelle le mode God of War. C'est-à-dire que le peu de vie que nous avons est quasiment réaliste. C'est-à-dire on se prend un coup de hache dans la réalité, on meurt. C'est à peu près pareil. Ah, donc, c'était ça. Oui, c'était ça. Voilà, là, c'est à peu près pareil. Et alors, j'ai cru comprendre qu'une des critiques était destinée au dernier, parce qu'il n'a de God of War que le nom. Je pense que c'est dû au changement de caméra, le changement d'ambiance, le fait que Kratos soit... Oui, parce que pendant très longtemps, durant les trois premiers opus, on voyait Kratos de loin, dans son intégralité. Et là, en fait, comme il a été dit un peu plus tôt dans l'émission, on le suit avec une caméra qui serait à un mètre de lui, de son dos. Bah, c'est une caméra épaule. Hein, voilà. Ouais, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme si on avait un caméraman qui suivait Kratos et Atreus et qui s'amusait à faire des plans. En plan séquence, en plus. En fait, le jeu God of War, enfin 4, on dit 4, on va dire ça comme ça, même si c'est pas le quatrième, est un plan séquence du début à la fin. Et ça, c'est une véritable prouesse technique. C'est une prouesse technique et scénaristique aussi, parce que c'est ça, il y a aucun temps, aucun temps de chargement, sauf quand on meurt. Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est vraiment conçu pour vous faire vivre une espèce d'expérience où, si vous voulez, vous ne lâchez pas la manette du début à la fin et vous avez un récit incroyable qui se déroule sous vos yeux, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de plan de coupe, il n'y a pas d'écran noir de chargement d'une autre zone, tout est organique. Et d'ailleurs, il y a même le premier gros affrontement de God of War, c'est une claque en termes de narration visuelle, comme le cinéma aimerait sûrement en faire souvent, parce que c'est un combat qui commence devant une maison, devant la maison de Kratos, avec le dénommé Balder. Et tout d'un coup, Kratos est projeté au-dessus de la maison, dans les arbres, mais à 10 mètres de hauteur, retombe sur le sol, et la caméra le suit en permanence, ne lâche jamais, et ça donne une sorte de viscéralité et de côté organique au jeu, qui est absolument brillant, mais tout média confondu. C'est-à-dire que je trouve que c'est ce moment où on se rend compte de ce que le jeu vidéo peut faire par rapport au cinéma. L'avantage, c'est que ta caméra, t'as pas de cadreur derrière. Donc en fait, à partir du moment où t'as Kratos qui se prend une patate, bah ok, la caméra va le suivre directement. Elle va le suivre jusqu'au moment où il retombe sur le sol. Et puis ensuite, ils vont se taper de l'autre côté de la montagne qu'ils vont casser et ça va repartir sur des pêches incroyables. Et la caméra va le re-suivre. Et pour God of War, ouais, effectivement, à part des chargements cachés, qui sont là quand Kratos passe entre deux parois, c'est des temps de chargement cachés, il n'y a rien. Il y a aucun moment où ça coupe. C'est un truc de fou. Même quand Kratos va rentrer dans un endroit, en fait, la caméra va le suivre. On va devoir fermer la porte, etc. Il y a zéro temps mort. Juste par rapport à la difficulté et par rapport au fait que, bah, par rapport aux critiques autour de God of War, par définition, un beat'em all, effectivement, c'est un jeu où on va affronter différents ennemis dans des grosses salles, petit à petit, avant d'aller battre un boss qui se trouve beaucoup plus loin. Donc forcément, par définition, la caméra est beaucoup plus loin. Pour ça, mais aussi pour le fait que il y a des moments où on est submergé d'ennemis, justement, en fait, il y en a dans tous les sens. Et une personne qui va dire, oui, bah, c'est simple, on appuie sur un bouton. Oui, mais appuyez sur un bouton, si tant est qu'on appuie sur un bouton. Quand on a 50 ennemis autour de nous et qu'on est très vite dépassé, ça peut être un peu compliqué. Donc, bon, c'est pour ça que je me dis, la critique peut être entendue, mais elle est peut-être pas forcément crédible à mon sens, dans un premier temps. Et dans le second, par rapport à God of War 4, donc pour tous les retours, et je les ai entendus lors de la sortie, il y a beaucoup de joueurs qui ont gueulé. Il y en avait qui disaient, moi je retrouve pas l'héritage du truc, ça n'a aucun sens, la caméra, pourquoi elle est si proche, pourquoi est-ce qu'on a des potentiels points de compétence, pourquoi est-ce qu'on a des armes, des armures, etc. Et j'ai envie de dire, en fait, God of War, c'est une licence qui existe depuis très longtemps, depuis la PlayStation 2. Il fallait, à un moment donné, moderniser la licence. Peut-être que toutes les décisions n'ont pas été forcément bonnes à prendre. Moi, ce que je constate, c'est que, pour mon cas, en tout cas, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Que Kratos ait une armure améliorée, etc., c'est cool. En plus, c'est bien expliqué, parce que via le folklore de la mythologie nordique, c'est expliqué qu'on a des forgerons, etc., qui travaillent les armures. On a des runes aussi, qui peuvent améliorer les armes, notamment Léviathan, la hache de Kratos qui revient dans sa main. Donc, en fait, c'est expliqué. Tel le Mjolnir de Thor. Tel Mjolnir de Thor. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ça. Ou alors, Stormbreaker, pour ceux qui ont suivi les derniers films du MCU. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça super cool, en fait. Et par rapport à la difficulté, juste pour God of War 4, ah les gars, il y a des moments, honnêtement, c'est, les Valkyries, notamment. C'est chaud. Les Valkyries, la reine Valkyrie, alors je fais un gros bisou à Arnaud, mon rédacteur en chef, il en a bavé, mais puissance 24 pour battre la les reine Valkyries. Les Valkyries sont des guerrières, bah, comme leur nom l'indique, qui sont disséminées un petit peu partout dans l'univers de God of War 4 et qui donnent accès à des morceaux d'armure spécifiques. Mais chaque rencontre avec elles est un monument qui va vous rester longtemps en tête, tant elles sont compliquées à vaincre. Et généralement, voilà, ça se fait au prix de larmes, de sueur, de moments où on lâche sa manette en disant là, je vais dormir parce que je ne peux pas. Ça fait beaucoup. C'est très très compliqué. Hein. C'est clair. Et sur la critique du fait que ça ressemble pas suffisamment aux épisodes précédents, moi, au contraire, ce qui m'a énormément plu dans cette accroche, justement sur le nouveau God of War, c'est la prise de risque incroyable du studio. Quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une licence qui marche bien, qui a des joueurs habitués et tout, et puis d'un seul coup, ils cassent tout. C'est-à-dire qu'il change, mais vraiment littéralement tout dans le jeu. Le jeu, la manière de présenter le personnage est différente. Même scénaristiquement, c'est plus pareil. Le récit n'est pas le même. On passe d'une mythologie à l'autre. Et moi, je trouve ça bien, justement, que des studios, y compris des gros studios avec des grosses licences, osent casser un petit peu les trucs. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Zelda, avec l'épisode Breath of the Wild. C'est bien. Je trouve que, justement, des gens remettent complètement l'ouvrage sur le métier et qui reprennent tout à zéro. C'est par preuve. Hein. God of War, il a eu le GOTY, en fait. Le Game of the Year au Game Award 2018. Mmh. Et cette suite, elle est extrêmement attendue. Donc, voilà, il y a la preuve. Et puis Zelda Breath of the Wild, j'en parle même pas, hein, parce que chaque fois, c'est un succès tonitruant. Et pour reprendre ce que tu dis, c'est pareil. Moi, God of War, je suis à la base une anti-God of War parce que, justement, je détestais le surplus de violence sanguinolente qu'il y avait dans les précédents opus, alors que je suis une fan absolue de mythologie, notamment de mythologie grecque. Et quand je voyais les séquences, non, moi, pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible. Toi, t'aimes pas arracher une tête pour t'en servir comme lampe torche. Voilà, donc quand c'est bien fait, moi. Dans le dernier, on a une tête accrochée à la ceinture. Je sais pas si c'est mieux, mais c'est mignon. Et le dernier, ben justement, ce n'était pas tout à fait ça. Ça a déplu à certains fans, mais du coup, Santa Monica a acquis un autre type de gamer, dont moi, par exemple. Et comme j'ai adoré le 4, et ben, je me suis remise à faire le 3 et je me suis penchée sur le bouquin et j'attends le suivant. Une porte d'entrée. Quoi. Voilà, ça a été une porte d'entrée et finalement, j'ai découvert toute la saga via le dernier. Vous avez saisi que cette émission, j'avais décidé de me faire plaisir. Hein. Pourquoi, me direz-vous ? Eh ben parce que je peux pas compter sur vous, hein, parce que vous êtes toujours là ensuite. Oui, mais moi, je voudrais une émission sur tel sujet, moi, une émission sur ça. Et puis là, les invités, c'était pas très bien. Elles, je l'aime pas. Donc là, aujourd'hui, chers auditeurs, mon thérapeute, il m'a dit qu'il fallait que je me fasse plaisir. Donc on écoute Amethyst Kia avec Black Myself. Ah, ça va mieux en le disant. Mythiste qui a qu'est-ce que c'est bien avec Black Myself dans Blockbuster. Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors vas-y. Tu veux que je te frappe ? Je veux que tu essaies. Aïe ! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça ? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête ! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit ! Encore. Cette colère... Tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'était un extrait de God of War 4 et vous venez d'entendre Frédéric Soutrel qui double Kratos en version française et Fanny Block qui double Atreus. Et il faut savoir que Kratos est doublé dans la version originale par Christopher Judge qui jouait dans Stargate, la série Stargate SG-1 et qui double également Black Panther dans Marvel's Avengers désormais. Un contenu additionnel qui est disponible depuis 2 jours et que je vous invite à télécharger pour jouer peut-être avec moi. Voilà, j'ai fait mes courses. Maïs, quoi. Donc effectivement, on voit que là, dans God of War 4, Kratos a un enfant et il y a un choix de gameplay, de mécanique de jeu qui est assez particulier, c'est qu'à aucun moment on contrôle Atreus. Un tout petit peu. Il y a un bouton qui sert à lui dire essaie de faire quelque chose. Tire une flèche. Tire une flèche ou faire quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de contrôle dessus. C'est totalement volontaire puisque le jeu est une espèce de longue métaphore de la parentalité, hein, tout simplement. C'est assez clair. Le conseiller, mais pas diriger ce que. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez finalement que très peu de contrôle sur ce que fait ou fera votre enfant et sur ce qu'il subit ou ce qu'il subira, puisque au final, il subira à peu près les mêmes événements que vous s'il vous suit ou au contraire, vous pourrez le rediriger sur une autre voie. On parlait justement de la différence de cet épisode par rapport aux autres, et c'est vrai qu'une des grosses ruptures, c'est vraiment ce côté de quasiment réussir à faire quelque chose de très intimiste, en fait, dans un énorme jeu d'action bourrin avec des personnages gigantesques qu'il faut escalader et exterminer. Je pense que c'était un défi un petit peu que s'étaient lancé sans doute les développeurs de dire est-ce qu'on peut raconter une histoire touchante, une histoire de rapport humain dans ce que ça a de plus simple, en fait, au final, entre un père et son fils, et ça marche, je trouve, extrêmement bien. Mohamed Aiguin, il y a un prochain opus de God of War qui est là, qui est tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre, God of War Ragnarok, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle pour le moment. Donc c'était en septembre 2020, il y avait une conférence PlayStation, un State of Play, qui révélait à la fois le prix de la PlayStation 5, mais aussi les jeux à venir. Et en One More Thing, donc après un peu la conférence, donc... comme dernière petite saveur, ils ont balancé un petit teaser avec le logo Omega qui se dessine avec des runes nordiques avec justement la musique de God of War 4, donc on a tous un peu pleuré, un logo bleu et Kratos avec justement sa voix, hein, juste qui dit « tu dois te préparer ». Et ensuite, le logo est balayé par un vent glacial et il y a marqué « Ragnarok is coming ». Donc à partir de là, effectivement, les attentes étaient lancées. God of War Ragnarok arrive prochainement. Et ensuite, on a eu 2021, décrit à la fin du teaser. Du coup, on était tous là en mode « Ah oui, quand même, c'est l'an prochain, c'est quand même ouf, première année de vie de la PS5, on a oui, mais il y a beaucoup de choses ont changé dans les projets. » Et beaucoup projets. De choses ont changé, en effet. Du coup, il y a quelques semaines de cela, Santa Monica, donc les développeurs, ont fait un communiqué sur Twitter pour dire « On n'est pas prêt », ce qui était... attendu par beaucoup de monde. Je pense que peu de gens ont été très surpris par le report. Et de toute façon, même la PS5 qui était... Il y a un peu de ça aussi. C'est ça. Donc c'est en 2022 qu'on aura le prochain God of War qui décrira la suite des aventures de Kratos et Atreus. Il y a plein de théories après, mais bon, on verra. Alors, il faut quand même préciser que God of War 4, mais qui s'appelle God of War simplement, a subi une sorte de petite mise à jour pour les consoles nouvelle génération et que le jeu est encore plus beau sur PS5 pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. Et, techniquement, il y a une résolution qui a été augmentée. Donc on part sur de la 4K. Alors, à la base, God of War sortait sur PS4 Pro et était en 4K super sampling. Donc, en gros, pour dire, c'est pas de la 4K, mais on va faire en sorte que ce soit comme, quasi comme ça à l'œil nu. Par contre, la grosse particularité, c'est le 60 FPS sur PS5. Et là, on va pas se mentir, c'est assez ouf. C'est assez ouf. God of War avait vraiment besoin de ça, quoi. Justine Boulanger, quelles sont vos attentes pour ce nouveau God of War ? Clairement, donc je ne ferai pas de spoil pour ceux qui n'ont pas terminé le jeu, mais n'est-ce pas Olivier Bénit ? Merci. On les voit. Mais on termine sur une note pour changer dans la vie de Kratos, pleine d'espérance. Vraiment, ça fait du bien. Et on sait que ce n'est que finalement que le début de, c'est la fin de sa vie de en tant que fantôme de Sparte, le surnom qu'il avait gagné avec toutes les atrocités commises à Sparte et en Grèce. Et c'est le vrai début de sa vie de père, de vrai père. En fait, durant toutes ses aventures, Kratos aura appris à assouvir sa vengeance, et là, il a appris à assumer son rôle de père, et à l'assumer moralement. Donc, moi, j'attends à ce que ça soit encore plus développé, que peut-être on ait un Atreus, il y a plein d'affabulations, qui ait grandi, en ado, même en adulte. Oh non, pas en ado. Papa, je veux pas les tuer des dieux. C'est ça. Il est déjà par moments un petit peu insupportable, donc si on pouvait éviter la crise d'ado, ce serait bien. Mais bon. Et surtout, à la fin du jeu, on découvre un environnement, sans spoil toujours, qui donnerait des indices en fait sur la suite donc de God of War Ragnarok et une certaine prophétie, encore et toujours des prophéties, encore. Donc, est-ce que cette prophétie va se réaliser ou non ? C'est une illustration sur un mur, une gravure même. Un haut relief, dirais-je. Soyons précis. Voilà. Nous avons besoin de précision. On apprend qui était vraiment la mère d'Atreus et la femme de Kratos. Est-ce que cette prophétie va se réaliser ? Est-ce que Atreus, en apprenant donc qu'il est fils de Dieu et Dieu lui-même grandira bien ou ira dans le côté obscur de la force. Nous le saurons dans un prochain blockbuster. C'est la fin de cette émission consacrée aux jeux vidéo God of War. Justine Boulanger, Mohamed Aiguin, Olivier Bénis, merci d'en avoir parlé avec des petites étoiles dans les yeux. C'est un plaisir. Merci un également plaisir. À Florent Dorimini à la technique aujourd'hui et Maxime Goudard au mixage. Vous pouvez comme toujours me laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag blockbusterFI. Alors je suis un homme comme toi. Non, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Nos responsabilités sont gigantesques. France Inter.